We'll be right back. Bonsoir, bonsoir, c'est Progapart en démur, démarre avec une séquence hommage et nostalgique. Un hommage à Mark Hollis, vous avez reconnu la voix et le compositeur de Talk Talk. On continue encore avec deux autres morceaux de ce grand monsieur à la limite du prog qui nous a quitté le 25 février à l'âge de 64 ans. Mark Hollis, Talk Talk, tout de suite, deuxième extrait. Everybody's laughing. Everybody's laughing. Everybody's laughing. Everybody's laughing. Thank you. Peut-être pas progressive, comme disait Christian, mais en tout cas bien aventureuse, cette musique de Talk Talk et de Mark Hollis. On va se faire plaisir avec un troisième morceau. This crime will be no sin. Thank you. Thank you. mon Dieu, Marcel, pourquoi tu rames si vite? Eh, c'est parce que je veux pas rater Progapar, l'émission du rock progressif. Résumé des chapitres précédents. Donc après un hommage à Tok Tok et Marcolis avec un extrait notamment de It's My Life de 84 et deux extraits d'une compilation très sympathique qui s'appelle The Collection, sortie publiée en 2003. Nous sommes partis au Brésil avec une petite nouveauté qui défraie les chroniques. Brésil, un groupe qui s'intitule Caravale Escarlate. Caravella Escarlate. Groupe, un trio, deuxième album, et comme vous avez pu le noter, c'est du symphonique en diable. C'est franchement superbe. On a continué avec une autre édition, puisque ce Caravella Escarlate était édité par nos amis de ce label qui m'échappe, Charisma. Merci, Charisma de Norvège. Je disais donc, Charisma de Norvège frappe très fort avec une autre nouveauté, un groupe norvégien, cette fois-ci, Fervent Mind, l'esprit fervent, un album intitulé Tranquilize, Fervent Mind. Et on continue encore avec les nouveautés de chez Charisma, avec un British qui, lui, habite depuis fort longtemps en Norvège. Ce British s'intitule, a pour nom Rice Marsh, Rice si vous préférez, Marsh, M-A-R-S-H. Et le titre de son album romantique, nostalgique à souhait, October After All, tout de suite sur le 100.7, et c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Thank you. Le jour où commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Tanker ! Sol 100.7. Je suis sûr que vous avez craqué sur ces superbes claviers ce mellotron de l'album de Rice Marsh, M-A-R-S-H, October After All, qui suivait les très beaux vocaux féminins de Fervent Mind. Voilà, si vous avez éclairé votre poste à Galen, eh bien, sachez que vous avez raté Caravella Escarlate et avant, un hommage à Tok Tok et Mark Hollis. C'est la séquence Oldies but Goldies. On continue notre voyage dans les terres scandinaves avec la réédition d'un album de 73 par un groupe phare là-bas à l'époque. Il s'agit de Rufus, R-U-P-H-U-S. Et je vous propose tout de suite cette réédition, toujours chez Charisma, New Born Day. Rufus. Centuries, rare alternatives, been tried to find a solution. Artificial food, protein meat is good, no more damage and pollution. The scientific way of the living today is getting to a point of madness. The game of lunatics, the way they pull their sticks in the wheels of our nation. Colors you've never seen, but quite a new surprise. Joli solo de flûte traversière pour Rufus, un album intitulé Newborn Day. Ça date de 73 et comme je vous disais tout à l'heure, c'était norvégien. Je ne sais pas comment nos amis d'ésotériques, eux ils habitent en Angleterre, font pour nous débusquer encore des petites perles du passé, mais c'est hallucinant. Et là, je tombe sur un album unique de 71, un groupe qui s'intitule Tear Gas, ça veut dire le gaz lacrymogène, c'est tout à fait d'actualité, dit-il avec humour, et c'est également le titre de l'album, et j'ai craqué, vous allez voir, c'est un petit côté Deep Purple, Uriah Heep, tout à fait de bon aloi. Tear Gas, c'est britannique, c'est de 71 et c'est sur le 100.7. We'll be right back. tear gas. Pas mal du tout, n'est-ce pas? Voilà quelque chose qui... Un groupe qui... que je cherche depuis longtemps, qui était passé à travers ma loupe et ma passoire, un groupe autrichien qui fait dans le rock symphonique, et Dieu sait si c'est ma tasse de thé, c'est le prog que je préfère, un groupe des années 70 qui s'intitule Pell-Mell, et oui, comme Pell-Mell, P-E, 2-L, et puis M-E, 2-L. Et je suis tombé dans une brocante, foire, disquaire d'occasion, etc., sur leur album intitulé Rhapsody. Avec un nom comme ça, effectivement, on peut s'attendre au meilleur. Et c'est, ma foi, très très chouette. Voilà, je vous propose un large extrait. Je pense que ça va plaire aux fidèles des fidèles, c'est-à-dire Michel. Et sans jeu de mots, et sans rime, c'est volontaire. Pell-Mell. Après cette rhapsodie diffusée pêle-mêle qui date de 75, on revient aux nouveautés avec un groupe qui, malgré son nom, Krakow, qui veut dire Cracovie, si je dis pas de bêtises, est un groupe norvégien. C'est encore une signature du label Charisma. Et donc un album intitulé Minus Minus qui date de 2018, tout de suite sur le 100.7. We'll be right back. Krakow, ça déménage bien. K-R-A-K-O-W. Un album intitulé Minus, si vous préférez. On continue l'exploration des nouveautés. Il y a toujours une petite dizaine, allez, soyons quand même modestes, une petite dizaine de nouveautés par mois sur Progapart, avec Kinetic Element. Kinetic Element, c'est des gars qui viennent des États-Unis et nous envoient un album fort bien troussé, lui aussi, The Race of Life, la course pour la vie. Un long extrait, je vous passerai pas tout parce que le morceau dure 20 minutes, ça serait mangé sur le reste de l'émission, mais vous allez pouvoir quand même apprécier suffisamment ce Kinetic Element. Thank you.

Quand on aime, on ne compte pas, dit le proverbe. J'ai eu... ça me fendait le cœur d'arrêter le morceau. Donc, vous avez eu 19 minutes de Kinetic Element, The Race of Life. Et on termine par un groupe qui est passé mystérieusement inaperçu sous le microscope d'Acid Dragon et de Prog à part. Je veux parler d'Unitopia. On a certes craqué pour Southern Empire, le nouveau projet de Sean Timms, je prononce volontairement à l'anglaise, Sean si vous préférez Timms, et ce monsieur il officiait avant dans Unitopia. Ce monsieur il est australien, il a sorti notamment un superbe double album dans cette formation, un double album intitulé The Garden. Il l'a publié en 2008, et mieux vaut tard que jamais, un extrait de ce double album. Thank you. pages changing, I start to open my mind to you. The strength of your touch that binds us together. Now you're not far away, there's not much to gain, and everything to lose. Oh, Angelica, I don't understand. Strange things are happening. Forgotten now, every facet of your face, remembered forevermore. I just can't get you off my mind. Searching everywhere, frustration reigns. It seems that you've been lost in time. It's an endless journey. It's you I've got to find. Oh, Voilà, ainsi s'achève l'édition de mars de Progapart. On se retrouve le 1er avril, ça s'invente pas. April Fool's Day, le 1er avril, ce sera un lundi, juste après l'émission de Christian de 20h30 à 22h30. 2 heures de quoi s'éclater, de nouveautés et de quelques révisions. 1er avril, 20h30, 22h30 sur le 100.7. Brume avant et sol maintenant. Oh là là, c'est lapsus. Oui, mais je pensais à Brume parce que justement, les anciennes émissions à la fois de Brume et de Sol FM se retrouvent sur le podcast d'Acide Dragon. Vous allez sur le site d'Acide Dragon, qui est le partenaire presse de l'émission. Vous cherchez Progapart et vous suivez la flèche. Et vous allez retrouver comme ça 167, j'ai bien dit 167 émission podcastée à écouter et réécouter. Vous n'êtes pas loin d'être 2000 à écouter ça et on vous en remercie au passage. Donc voilà, l'émission sera très très rapidement, je pense demain ou après-demain, en ligne. Donc les émissions, vous avez bien compris, de Sol et de Brume, toujours intitulées Bande à part ou Prog à part, c'est la même chose. Et sinon, je vous donne rendez-vous également pour un concert qui m'a l'air, ma foi, très sympathique, le 21 mars. 21 mars, c'est un jeudi, à la Bourse du Travail, vous viendrez applaudir Best of Floyd, ils sont français, ils reprennent comme leur nom l'indique bien, du Pink Floyd, on a dit du beaucoup de bien. Eh bien écoutez, je serai là avec les compères pour assister à ce concert le jeudi 21 mars à la Bourse du Travail. Voilà, d'ici, ben, vous aurez, pour ceux qui sont abonnés, pu découvrir Acide Dragon puisqu'il sort tout doucement des presses et il devrait partir à la poste et donc dans votre boîte aux lettres cette semaine ou début de la semaine prochaine. Acide Dragon tout nouveau, tout beau, avec notamment Green Slade, avec notamment 12th Night, un guide sur le prog américain des années 70. J'en passe et des meilleurs, 64 pages et un CD et des tonnes de chroniques. Voilà, de quoi se faire plaisir. Le numéro 74 d'Acid Dragon. C'était Progapart, une émission proposée par Thierry Sportouche. Avec la précieuse collaboration de Roland Rock, bien sûr. Je vous pète la miaille et tenez tati, à que la prochaine. Thank you. thug with a slug for a gun. He'll try to talk it out cause he loves everyone. But if a sucker gonna trip, he got a plan for pollution, teaching evolution. Wrote a couple bills, now they house resolutions. Work from within to change institutions. And out in the streets, peaceful solutions. But don't test his gangster, Ray Ray's the wankster. That beam will bank you upside the dome. Pop gun to chrome, if his angel at your home, better get him on the phone. He's laser ray, came to save the day. Gonna use his powers in a swayzy way. Got a mean ass beam, brother, he don't blink. But he's okay, he's laser ray. Just laser ray, came to save the day. Gonna use his powers in a swayzy way. Got a mean ass beam, brother.